Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez c'estfou.ca. On va aller écouter un instant classique. Ouh, un instant classique, c'est, j'adore ça. Moi, je trippe là-dessus. C'est comme full groupie. Donc, on vous présente des extraits de la semaine du 27 septembre d'Assemblage requis à l'instant. Bon, c'est Olivier Marchand, le marchand de rêve lui-même. Le marchand de rêve, je veux du rêve. Oui. Avis à tous ceux qui veulent du rêve. Du rêve et du fantasme et tout ce que vous désirez, c'est lui qui l'a. Elle nous parle de moultes activités, je dirais. De moultes? Moultes activités, c'est un mot que je n'utilise pas assez souvent. Et toi, non, je pense que c'est la première fois que j'entends ça. Ouais. Bonjour les requins. Salut la Requin Nation. La Requin Nation. Hein? C'est pas si vieux que ça. Non, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans. 5 ans. 5 ans! C'est 5 ans! 5 ans, Mathieu, d'âge mental présentement. Merci. Tonton klaxonne. Mip, mip. Mip, mip. T'as exactement la bonne tonalité. Merci beaucoup. Moi, c'est l'interactivité. Je fais participer le monde, même s'ils n'ont absolument rien à voir avec ce qu'on dit. Ils se sentent inclus. Qu'est-ce qu'on fait à l'émission d'aujourd'hui, François, toi? Ben, c'est pas pantoute. C'est pas ça? Ben non, c'est pas vrai. Puis si vous pouvez arriver juste à temps pour le début de découverte puis rater Et Dieu créa la flaque avant, vous allez être vraiment chanceux, tu sais. Ah, t'aimes pas ça? Caroline, non, non, non, non, non. Vraiment, là. Arrête de chialer, là. Non, mais je vois comment. C'est ça, notre chialage. C'est ça. Ça ressemble juste à ça. Puis Mathieu, oui? Oui. Ah oui? Oh oui. Ah ben... Quand t'as dit ça, Final Flash. Parce que tu m'imites tout le temps. Oui, je t'imite. Il fait les mouvements de bouche. Comme si c'est moi qui parlais, mais non, c'est Mathieu Plante. He's bulging his bouche. C'est, regarde-moi, je suis plus beau que toi. Ouais. Je suis plus fine que toi. Ma robe est plus belle que toi. Non, mais c'est ça. Ma robe est plus belle que ta face. On joue deux pièces. Deux quoi? Deux chansons. Deux tunes. Du même artiste. J'aime ça, des tunes. Oui, moi aussi. Hey, on s'en va écouter la tune. On va entendre un petit bloc à saveur, je dirais. Je vais goûter un petit peu. Good country, un petit peu. Tu me la dédies? Je te la dédie. Ou comme les rappeurs diraient, tu me la dédicaces. Comme si tu m'assignes d'en face. On n'a pas de public en studio. C'est malheureux. Et peut-être non, un jour. Peut-être un jour, oui, avec des estrades. Et puis, si on allait enregistrer l'émission au Loblaz. Oh. Oui, vous allez être applaudi chaleureusement. À côté des bananes et des oranges. Animé par deux bananes, d'ailleurs. Mais t'es très rapide au niveau intellectuellement. Bon, ben, c'est mais super. Si je te lance, par exemple, une balle, il est pas sûr que tu vas abonner. Fais attention. Fais attention, ça me fait mal. Va te poursuivre, c'est fou. Va te poursuivre. Il me semble qu'il y a de bonheur pour entendre la bonne musique comme ça. C'est ça, c'est bien trop de bonheur. Lâchez-nous un peu. Arrêtez, c'est fou. C'est complètement fou. C'est retard psychologique avancé. Oh. C'est fou. Parce que fou, je trouve que c'est rendu un petit peu péjoratif, ça. Ben non. De dire aux gens, hey, tu sais, si je te dis, mettons, hey, t'es fou. Tu vas mal le prendre. Ouais, mais. Ah. Ok. Oui. Mais tu l'as, oui. 1-0 pour toi. D'accord. Je m'en vais égaliser à ce moment-ci. Ok. Si je te dis, ailleurs, je suis allé voir un film, c'est complètement fou. Ouais, ok, là, c'est positif. 1-1. Ah, donc, il faudrait, quand on dit c'est fou, 89-1, il faudrait définir ce que veut dire fou. Ouais, exact. Mais là, tout le monde le sait. Si vous l'écoutez, bref, les gens qui écoutent savent que c'est fou, c'est bon parce qu'ils l'écoutent. Bon. Bref, c'est lui. Et puis, ben, cette semaine, il a revitalisé et conditionné et prêt plus toutes nos ID. Donc, c'est toujours le fun d'entendre, ça. Prêt plus, c'est un jeu de mots de shampoing. Ouais, tabarouette. Ouais, tabarouette. Tabarouche. Bonjour à vous, les requins. C'est ça, les requins. C'est de là que ça vient, la chanson, le ra ra ra ra ra ra. Deux hits que de la bombe. C'est de la boulette. C'est de la grosse boulette. C'est ce qu'on voulait entendre. Elle a du goût. Oui. Et non seulement elle va avoir du goût, comme pour la musique, mais du goût de dans sa bouche aussi, oui. Oui, elle va avoir du goût dans sa bouche. Ben là, en fait... Oui, hors del Paso, bien sûr. Pour ça, c'est parce que t'es un grand visionnaire, un révolutionnaire, si on veut. Merci, Mathieu. Une vraie Marie Curie. Marie Curie, j'adore. Hey, Hey, c'était les instants classiques de cette semaine à Assemblage Rocky, semaine du 27 septembre. Quelle semaine marquante, encore une fois! Tellement j'adore les instants classiques. C'était n'importe quoi. C'est de la boulette. C'est de la grosse boulette! Je te dis écoute. C'était les Assemblages Rocky du lundi au jeudi entre 7h et 9h. C'est avec François-Olivier Marchand, le marchand de fantasmes, évidemment. Et moi-même, Mathieu Plante, qui ne fait que se planter avec des mauvaises blagues sur le shampoing. Toujours. Assemblage Rocky, lundi, 7h, ça va être de retour avec, entre autres, ta chronique sur les sorties spectacles lundi. Oui, lundi matin, sorties spectacles. Be there!